إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد continuons traduction du livre القول المفيد في أدلة التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى. La semaine dernière, on avait terminé de citer les différentes sortes de polythéisme et le cheikh en a cité 15 en tout dans son livre. Le premier est le shirk dans la seigneurie, le polythéisme dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le second est le polythéisme dans l'adoration. Le troisième, le polythéisme dans les noms et attributs. Le quatrième, le grand polythéisme, celui qui fait sortir de l'islam. Cinquièmement, le petit polythéisme. Sixièmement, le polythéisme caché, shirkun khafi. Septièmement, le polythéisme en rapport avec la croyance. Huitièmement, le polythéisme en rapport avec les actes. Neuvièmement, le polythéisme dans les paroles. Dixièmement, le polythéisme dans la législation et le jugement. Onzièmement, le polythéisme dans l'amour. Douzièmement, le polythéisme dans la peur et la crainte. Treizièmement, le polythéisme dans l'intention et la volonté. Quatorzièmement, le polythéisme dans l'obéissance. Quinzièmement, le polythéisme dans l'invocation. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres sortes de polythéisme, comme l'a dit Cheikh Awul Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, en disant que le polythéisme est de sorte où les sortes de polythéisme sont extrêmement nombreuses, ne connaît leur véritable nombre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh a fait un résumé du polythéisme en disant que le polythéisme se divise en deux. Il y a le grand polythéisme et il y a le petit polythéisme. Le grand qui fait sortir de l'islam, le petit qui ne fait pas sortir de l'islam, mais qui est plus grave que de commettre un grand péché. Et il a donné un exemple pour chacun des deux sortes, pour chacune des deux sortes, concernant le grand polythéisme, par exemple, de sacrifier pour autre qu'Allah, de faire un vœu pour autre qu'Allah, d'invoquer, de se prosterner pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi le petit polythéisme, il y a l'ostentation, il y a le fait de rechercher la réputation dans ses adorations à Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a également le fait de jurer par autre qu'Allah, à condition que celui qui jure par autre qu'Allah ne considère pas que cette chose qu'il a jurée par autre qu'Allah est immense, en lui donnant de l'importance et une grande valeur. Et également fait partie du petit polythéisme de dire « Je n'ai qu'Allah et toi » ou « Je m'en remets qu'à Allah et à toi ». Taïb. Et le cheikh a ensuite donné les différentes sortes de mécréances. Il a donné différentes sortes de mécréances. Il y a la grande mécréance, il y a la petite mécréance. Il y a la grande mécréance qui fait sortir de l'islam et la petite qui ne fait pas sortir de l'islam. Puis il a cité, hafidhahullah ta'ala, 16 catégories de grandes mécréances et il a cité 6 catégories de petites mécréances. Et ensuite, il a séparé les non-musulmans en deux. Il y a des non-musulmans qui le sont à la base et il y a des non-musulmans qui le sont devenus en reniant l'islam. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى خطر الاستهزاء بالكتاب أو السنة أو من دعا إليهما وخطر مخالفتهما وخطر مخالفتهما. Puis le cheikh entame le chapitre du danger de se moquer du Coran ou de la Sunna ou de ceux qui appellent au Coran et à la Sunna, et le danger de les contredire, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Il a cité plusieurs versets et plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont dans ce sens. قال ربنا عز شأنه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Le premier verset, la parole d'Allah عز وجل, verset 63 de sourate la lumière, que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ces commandements, que ne les touche une tentation ou qu'ils ne soient touchés par un châtiment douloureux. Qu'ils prennent garde ceux qui vont à l'encontre de son commandement, du commandement de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam a désobéi Allah, car Allah Azza wa Jalla dit « وَمَا يُطَعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ » Celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam a obéi à Allah, et de la même façon, celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam a désobéi à Allah. Qu'ils prennent garde ceux qui désobéissent à ses commandements, que ne les touche une tentation. Quelle est cette tentation? Al-shirk. Ou que ne les touche un châtiment douloureux. Le second verset, وقال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنا كنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Le second verset sont les versets 65 et 66 de sourate Le Repentir. Et si tu les questionnais, ils te diraient « Nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses signes et de son envoyé dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien mécru après votre foi. Si nous pardonnons à une partie d'entre vous, nous châtierons une autre partie, car ils ont été agresseurs. » Ce verset est descendu sur les hypocrites qui se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que lui et ses compagnons, qu'ils étaient des lâches et qu'ils ne pensaient qu'à remplir leur ventre, wal'iyadu billah, et qu'ils se sauvaient lorsqu'il y avait une guerre ou un combat. Le troisième verset, wa qala Allah ta'ala, inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakoun. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. الله عز وجل دي dans les versets 29 à 36 de sourate Al-Mutaffifin, ceux qui étaient agresseurs, se moquaient de ceux qui ont cru. Et lorsqu'ils passaient à côté d'eux, ou à proximité d'eux, ils leur faisaient des œillades. Ils les regardaient du coin de l'œil en se moquant d'eux. « وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ » Et lorsque ces mêmes personnes retournaient chez elles retournaient en plaisantant. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Et lorsqu'ils les voyaient, ils disaient, ce sont eux les égarés. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Et Allah Azza wa Jal dit en réponse, et ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardes. Ceux qui se moquent et qui sont à l'affût des croyants et de ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala en étant à leur trousse, en se moquant d'eux à chaque occasion qui se présente. Pourquoi ces personnes suivent-ils et se moquent-ils de la sorte des croyants? Est-ce qu'ils ont été envoyés comme garde pour eux? Allah Azza wa Jalla n'ont pas été envoyés pour être leur garde. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Et aujourd'hui, les croyants riront des non-musulmans. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Confortablement installés dans leur divan, ils se regarderont les uns les autres, c'est-à-dire les croyants. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Est-ce que les non-musulmans ont eu une récompense de ce qu'ils ont fait? Est-ce que leur moquerie envers les croyants et les partisans d'Allah subhanahu wa ta'ala et toutes ces offenses, est-ce qu'ils ont eu une récompense sur tout cela? La réponse est bien sûr non. Wa qala Allah ta'ala, hatta idha jaa'a ahadahum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans les versets 99 à 111 de Sourate Al-Mu'minun, les croyants, jusqu'à ce que la mort atteigne l'un d'entre eux, ils disent, ô Allah, fais-nous revenir, afin que je fasse des bonnes œuvres par rapport à ce que j'ai délaissé. Et Allah Azza wa Jalla dira, kalla, mais non, ce n'est qu'une parole qu'il dit. C'est-à-dire, il dit cette parole de sa bouche. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Et derrière eux, il y aura le barzakh, c'est-à-dire la vie dans la tombe jusqu'au jour où ils seront ressuscités. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. Et lorsque l'on soufflera dans la trompe, فَلَا أَنْسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Ce jour-là, il n'y aura pas de lien de parenté qui pourront leur servir, qui pourront être une preuve pour eux ou un soutien. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Et ils ne se poseront pas de questions. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux dont les balances sont lourdes, ce sont eux qui auront gagné. Balance lourde de hasanat. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Et ceux dont la balance sera légère, c'est-à-dire de bonnes actions, ce sont eux qui auront causé la perte de leur propre personne et ils seront en enfer éternellement. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Le feu de l'enfer brûlera leur visage et ils auront les lèvres crispées. Puis il leur sera dit, أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Mes versets et mes signes n'étaient-ils pas lus sur vous et vous les traitiez de mensonges? Ils répondront, قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا. Ô notre Seigneur, notre malheur nous a vaincus et nous faisions partie des peuples égarés. Ô Seigneur, fais-nous sortir d'elle, c'est-à-dire de l'enfer, si فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. Et si nous recommençons, alors nous ferons partie des injustes. Et il leur sera dit, قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. Soyez humiliés, c'est-à-dire en enfer, et ne me parlez plus. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا. Il y avait une partie de mes serviteurs qui disait, notre Seigneur, Allah, nous croyons en lui. ربنا آمنا, ô Seigneur, nous croyons en toi, pardonne-nous nos péchés et fais-nous entrer dans ta miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, et vous vous êtes moqués d'eux au point qu'ils vous ont fait oublier mon rappel. C'est-à-dire que ces mécréants se moquaient tellement des croyants que ces moqueries nombreuses leur ont fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ, et vous riez d'eux. إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ, et je les récompense aujourd'hui de par ce qu'ils ont patienté, car ils font partie de ceux qui ont réussi. Et l'autre verset qu'a cité Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wasabi, وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى إنا كفيناك المستهزئين. Et Allah عز وجل dit dans le verset 24 de l'Anfal, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah ou répondez à Allah et à son envoyé lorsqu'il vous appelle dans ce qu'il y a votre vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre la personne et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez ressuscité. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Hashr, le verset 95, « Inna kafayna kal mustahzi'in » Nous t'avons épargné les moqueurs. Ici, Allah Azza wa Jalla s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi وسلم. Et concernant ce verset, Allah alam, mais je crois que le sabab al-nuzul, c'était quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié devant la Kaaba et qu'Abu Jahl a voulu écraser la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le sol avec son pied. Et il s'était vanté auprès des polythéistes en disant, est-ce que Mohammed pose son visage à même le sol devant vous? Ils ont dit oui. Il a dit, si je le vois faire, je lui écraserai le visage sur le sol. Et il a vu le professeur Hassan prier, et il a voulu faire ce qu'il a dit. Puis il s'est reculé en ayant peur. Ils ont dit, c'est-à-dire les polythéistes, Abu Jahl, mais qu'as-tu? Tu as dit que si tu le voyais, tu allais lui écraser la tête sur le sol. Il a dit, j'ai vu, pour Abu Jahl, j'ai vu une tranchée de feu, des choses effrayantes et des ailes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laudana minni, s'il s'était approché de moi, les anges l'auraient découpé membre après membre. Donc Allah Azza wa Jalla a protégé son prophète sallallahu alayhi wa sallam de tous les moqueurs et de tous ceux qui voulaient lui porter atteinte. Amma al-hadith, concernant les hadiths, fa'an Abi Humayd al-Sa'idi, qala ghazawna ma'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam ghazwata Tabuk. فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرصوا وخرس النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لها احصي ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طي رواه البخاري ومسلم. Quant au hadith qui prouve le danger de se moquer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Coran et de la sunna, ou de les contredire, il y a le hadith d'Abu Humayd al-Sa'idi, radiyallahu anh, qui dit « Nous avions combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la bataille de Tabouk. Et lorsque nous sommes arrivés à Wadi Qura, il y avait une femme qui était dans son jardin, dans ses jardins, dans sa palmeraie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons « Estimez », c'est-à-dire « Estimez » la quantité de dattes qu'il y a dans cette palmeraie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a estimé ces dattes à Asharat Awsuq. Al-Wasaq, c'est combien? Pour ceux qui s'en rappellent. C'est Tuna Sa'an. C'est 60 Sa'an. 10 fois 60 Sa'an, ça fait 600 Sa'an. Un sa, c'est combien? C'est 2,40 kg. Non, 2,40 kg. 600 fois 2,40 kg. Je vous laisse faire le calcul. Puis, lorsque nous sommes arrivés, et le prophète Sassam a dit à cette femme de retenir ce qui va, les dates qui vont être cueillies. Et ici, le prophète Sassam, a dit cela pour montrer que le prophète sallam avait cette précision dans l'estimation. Pouvoir estimer des dates dans le simple fait de regarder des palmeraies. Et le prophète sallam a dit à ses compagnons estimer, c'était comme un concours que le prophète sallam a lancé à ses compagnons. Estimer combien il y a de dates dans cette palmeraie, et le professeur Hassem a donné son estimation. Il a dit à cette femme, lorsqu'elle cueillera les dates, de se rappeler de combien elle a recueilli pour pouvoir ensuite savoir lequel avait raison dans son estimation. Puis, Abu Humayd al-Sa'idi, radiallahu anhu, a dit, lorsque nous sommes arrivés à Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il va y avoir cette nuit un vent violent, que personne ne se lève, et que celui qui a avec lui une chamelle, qu'il l'attache bien. » Et les compagnons ont dit « Fa'aqalnaha, nous les avons toutes attachées. »« Wahabbat rihun shadida » et un vent violent a frappé cette région de Tabouk. Un homme s'est levé. Alors que le professeur Hassan m'a dit que personne ne se lève. Un homme s'est levé, فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّ et elle l'a emmené, ou ce vent l'a emmené jusqu'au Jabal appelé Taï. رواه البخاري ومسلم. ثانيا عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه رواه مسلم. Et selon Salam ibn al-Akwa, un homme a mangé ou mangeait en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa main gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit mange de ta main droite. Il a dit je ne peux pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit puisses-tu ne jamais pouvoir. Et le rapporteur du hadith, Salam ibn al-Akwa, dit, ne l'avait empêché de le faire que l'orgueil. Ce qui a empêché cet homme d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de manger de sa droite, c'était l'orgueil. Et le rapporteur du hadith, Salam radiallahu anhu, dit, il n'a jamais pu lever sa main à sa bouche. Rawahu Muslim. Tout ceci prouve le danger qu'encourt toute personne qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thalithan, عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم قال فأنا والله رأيت النساء يشتدن قد بدت خلاخلهن وأسواقهن رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا 70 قتيلا فقال أبو سفيان أفي القوم محمد 3 مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات ثم قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك قال يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني ثم أخذ يرتجز أعلو هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه قالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل قال إن لنا العزة ولا عزة لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه قالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم رواه البخاري. Troisième hadith est le hadith al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis à la tête des hommes le jour de Uhud. Ils étaient 50, les archers, il a mis à leur tête Abdullah ibn Jubayr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voyez les oiseaux mangez nos cadavres. Ne délaissez pas votre endroit jusqu'à ce que j'envoie quelqu'un à vous. Et si vous nous voyez vaincre le peuple et avoir le dessus sur eux, ne délaissez pas vos postes jusqu'à ce que j'envoie quelqu'un à vous. Fahazamouhum. Et les musulmans ont vaincu les polythéistes. Et Al-Bara ibn Azib dit, et j'ai vu par Allah les femmes courir, et apparaissaient les chaînes de pied ou les gourmettes de pied, ainsi que leurs mollets, car elles levaient leurs vêtements lorsqu'elles couraient. Les compagnons de Abdullah ibn Jubayr, les archers qui étaient placés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont dit, Le butin, vos compagnons ont pris le dessus, qu'attendez-vous? Abdullah ibn Jubayr leur a dit, avez-vous oublié ce que vous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit par Allah, nous allons rejoindre les gens afin de prendre le butin. Et lorsqu'ils sont partis, صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ. Lorsqu'ils sont descendus et qu'ils ont tourné leur visage, ils ont perdu. C'est-à-dire que les polythéistes les ont attaqués par derrière. Ils se sont sauvés. Et c'est à ce moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés de derrière eux. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla a dit, en sourate Ali Imran, إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. Lorsque vous vous êtes sauvés, إذ تصعدون ولا تلوون على أحد, en ne regardant personne, sans vous vous retourner vers personne, car ils fuyaient, ils ont fui et ne se sont plus préoccupés de ceux qui étaient derrière eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait à revenir et à combattre, mais ils n'ont pas écouté. Et restés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 12 hommes. فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ. Et les polythéistes ont tué parmi nous 70. Et Al-Bara ibn Azib dit, radiyallahu anhu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Badr, avait vaincu 140 polythéistes, 70 étaient des prisonniers, ont été faits prisonniers, et 70 ont été tués. Abu Sufyan, qui à l'époque n'était pas musulman, a dit, est-ce qu'il y a dans le peuple Muhammad? Il a répété cela à trois reprises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ses compagnons de lui répondre. Puis il a dit, est-ce que dans le peuple il y a Ibn Abi Quhafa, qui est Abu Bakr radiyallahu ta'ala anh. Le père d'Abu Bakr s'appelait Abu Quhafa. Y a-t-il dans le peuple le fils d'Abu Quhafa? À trois reprises. Puis il a dit, est-ce qu'il y a dans le peuple Omar? Ou est-ce qu'il y a dans le peuple le fils de l'Khattab, c'est-à-dire Omar radiyallahu anhu, à trois reprises. Puis, Abu Sufyan est retourné chez ses compagnons et a dit, quant à eux, c'est-à-dire ceux que je viens de citer, ils ont été tués. Omar radiyallahu anhu n'a pas résisté et a répondu, tu as menti par Allah, ô ennemi d'Allah. Ceux que tu as cités sont tous vivants et il ne reste que ce qui va te déplaire. C'est-à-dire que tu vas connaître la défaite. Et Abu Sufyan a répondu, Yawmun bi yawmi badr. C'est-à-dire que ce jour est en réponse au jour de Badr. Autrement dit, il y a des jours où vous gagnez et il y a des jours où vous perdez. Al-harb sijal. Ainsi est la guerre. La guerre, elle est à double tranchant. Et il leur a dit, vous allez trouver dans votre peuple des personnes mutilées. C'est-à-dire, parmi les morts, parmi vos morts, vous allez trouver des personnes qui ont été mutilées. Je n'ai pas ordonné cette mutilation, mais elle ne me déplaît pas non plus. Regardez la haine qu'avaient les polythéistes au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne leur ai pas ordonné de les mutiler, mais cette mutilation ne me déplaît pas non plus. ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزْ. Puis, il répétait, أُعْلُوا يَا هُبَلْ, أُعْلُوا هُبَلْ. Soit, ô Hubal, ou élevé soit Hubal, élevé soit Hubal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons, ne lui répondez-vous pas? Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, que devons-nous dire? Il a dit, dites, Allah est plus grand et plus haut. Puis Abu Sufyan a dit, nous avons Al-Uzza et point de Uzza à vous. Al-Uzza qui était l'un des noms des divinités des polythéistes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne lui répondez-vous pas? Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, que devons-nous dire? Il a dit, dites, Allah est notre protecteur et point de protecteur pour vous. Puis le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wissabi cite deux histoires qui prouvent le danger de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de se moquer du Coran ou de la Sunna. Al-Qasas. أولاً قصة الاستهزاء بالسواك كما في البداية والنهاية لابن كثير حوادث سنة 665 إذ قال وحكى ابن خلكان فيما نقل من حظ الشيخ قطب الدين اليوناني قال بلغنا أن رجلاً يدعى أبا سلامة من ناحية بصرى كان فيه مجون واستهتار فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة فقال والله لا أستاك إلا في المخرج يعني دبره فأخذ سواكا فوضعه في مخرجه ثم أخرجه قال فمكث بعد 9 أشهر وهو يشكو من ألم البطن والمخرج قال فوضع ولدا على صفة الجرذان له 4 قوائم ورأسه كرأس السمكة وله 4 أنياب بارزة وذنب طويل مثل شبر أو 4 أصابع وله دبر كدبر الأرنب ولما وضعه صاح ذلك الحيوان 3 صيحات فقامت ابنة ذلك الرجل فردشت رأسه فمات وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له 2 يوم ومات في 3 وكان يقول هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان ومنهم من رأى ذلك الحيوان حيا ومنهم من رآه بعد موته. La première histoire que cite le Cheikh est l'histoire de celui qui s'est moqué du siwak. C'est une histoire tirée du livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans les faits qui ont eu lieu en l'année 665. Et le livre de l'imam Ibn Kathir, Al-Bidaya wa Al-Nihaya, est un livre d'histoire dans lequel il cite l'histoire musulmane depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien avant, depuis Adam alayhi salam, jusqu'à son époque, rahimahullahu ta'ala. Il dit, Ibn Khalkan rapporte de ce qu'il a entendu, de ce qui est rapporté de l'écriture ou de la main du Cheikh Qutbuddin al-Yunani. Il dit, il nous est parvenu qu'un homme appelé Abu Salama de la région de Bousra. C'était une personne qui était impudique et qui faisait des choses honteuses. Et cet homme a été cité en sa présence le siwak et ce qu'il y a comme mérite du siwak. Il a dit par Allah, je n'utiliserai le siwak que sur le derrière. Il a pris son siwak, il l'a placé dans son derrière, puis il a ressorti. Qal. Ensuite, cet homme qui a fait ce geste ignoble est resté 9 mois à se plaindre des douleurs dans le ventre et dans l'anus. Puis, après ces 9 mois, il a accouché d'une bête qui ressemblait à un rat avec une tête de poisson qui avait 4 canines, une longue queue d'une longueur d'un empan et 4 doigts. Et cet animal avait un derrière comme le derrière d'un lapin. Et lorsqu'il l'a, entre guillemets, accouché de cet animal a crié, a fait 3 cris. La fille de cet homme est venue et a écrasé la tête de cet animal qui mourut. Et cet homme a vécu 3 jours après avoir accouché de cet animal. Et il disait, cet animal m'a tué et a déchiré mes boyaux. Et beaucoup de personnes, d'habitants de cette région ont été témoins de cela, ainsi que les prêcheurs de cet endroit. Certains ont vu cette bête vivante, d'autres l'ont vue après sa mort. ثانيا قصة الذي حول الله رأسه رأس حمار كما في القول المبين في أخطاء المصلين وهي كما يلي قال ابن حجر عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها فقرأ عليه جملة لكنه كان يجعل بينه وبينه حجاب ولم يرى وجهه فلما طالت ملازمته له ورأى حرصه على الحديث كشف له الستر فرأى وجهه وجه حمار فقال له احذر يا بني أن تسبق الإمام فإني لما مر بي في الحديث استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى قلت والآيات والأحاديث والقصص في هذا الباب كثيرة. La deuxième histoire est l'histoire de celui à qui Allah Azza wa Jal a transformé sa tête en la tête d'un âne, comme cela est rapporté dans le livre Al-Qawl al-Mubin fi Akhta'il Musallin du Cheikh Mashhour Ibn Hassan Salman. L'histoire est celle qui suit. Wa qala Ibn Hajar an ba'd al-muhaddithin. Al-Hafidh Ibn Hajar a dit, en parlant de certains savants du hadith, qu'il a voyagé à Damas afin de prendre le hadith chez un cheikh réputé. فقرأ عليه. Il a lu sur lui les hadiths, mais ce cheikh sur qui il lisait plaçait entre lui et son élève un voile qui dissimulait son visage. Et lorsque sa compagnie, lorsqu'il a côtoyé un certain temps ce cheikh, et que le cheikh a vu de cet élève qu'il était motivé à prendre le hadith, il a alors levé ce voile. Et cet élève a vu le visage d'un âne. Et ce cheikh lui a dit, prends garde, ô mon fils, prends garde de ne pas précéder l'imam, c'est-à-dire pendant la prière. Car lorsque le hadith de l'interdiction de précéder l'imam est passé sous mes yeux, j'ai istab'atu uqu'a. Comment traduire? Istab'atu uqu'a, c'est-à-dire j'étais loin d'imaginer que cela puisse arriver. Fasabaqtu l'imam, j'ai précédé l'imam et mon visage est devenu comme tu le vois. Et le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wissabi dit, et les versets, et les hadiths, et les histoires dans ce chapitre sont nombreux. ثم قال المؤلف حفظه الله البراءة من الشرك وأهله. Le cheikh entame le chapitre du désaveu du polythéisme et de ses partisans. Il cite plusieurs versets dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Le verset 19 de Sourate les Bestiaux dit, Allah est une divinité unique et je me désavoue de tout ce dont vous lui associez. وقال الله تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 78 de Sourate Al-An'am, et lorsqu'il a vu le soleil se levant, qui a vu le soleil se levant? Ibrahim alayhi salam. Il a dit, voilà mon Seigneur. Voilà mon Seigneur Had Akbar. Celui-là est plus grand. Et plus grand que quoi? Plus grand que quoi? Que les étoiles. Et que la lune est? Non? Non, parce que juste avant ce verset, فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Lorsqu'il a vu la lune, il a dit, c'est ma divinité. Et lorsqu'il a vu le soleil, yani lorsque la lune s'est couchée, il a dit qu'il n'adorait pas les choses qui disparaissent. Et ensuite, lorsqu'il a vu le soleil se lever, il a dit, ça, c'est mon Seigneur, il est plus grand, c'est-à-dire que la lune. Et lorsqu'il a disparu, قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. Il a dit, ô mon peuple, je me désavoue de tout ce dont vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Allah عز وجل dit dans le premier verset de sourate At-Tawba, sourate le repentir, le désaveu de la part d'Allah et de son envoyé à tous ceux avec qui vous avez conclu un pacte parmi les polythéistes. وقال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. Dans le verset 3 de sourate At-Tawba, Allah عز وجل dit, et un appel aux gens de la part d'Allah et de son envoyé le jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son envoyé se désavouent des polythéistes. Le jour du grand Hajj, c'est Yawm al-Hajj al-Akbar. Le jour du grand pèlerinage. Non? C'est pas Arafat? C'est? Non? Le jour du grand pèlerinage, c'est quoi? C'est un des jours parmi les jours de? Non? De Eid al-Adha. Eid al-Adha, c'est ce jour qui est appelé Yom al-Hajj al-Akbar, le jour du grand pèlerinage. Et cet appel a eu lieu dans l'année 9 de l'Hégire, lorsque les musulmans sont entrés à la Mecque, vainqueurs. La 9e année de l'Hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli le pèlerinage. Il était trop occupé à Médine pour le faire. Qui a fait le pèlerinage avec les musulmans? C'est Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Et Abu Bakr radiallahu anhu a demandé à ce que on fasse un appel le jour de l'Aïd en disant qu'Allah et son envoyé se désavouent des polythéistes. Et qui a fait cet appel? Non. Non. C'est Ali radiallahu ta'ala anhu. Ali ibn Abi Talib, c'est lui qui a fait cet appel en criant que Allah et son envoyé se désavouent des polythéistes et également que les polythéistes ne doivent plus entrer à la Mecque après ce jour. فَلَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. وقال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Et Allah عز وجل dit dans le verset 114 de sourate At-Tawba, et la demande de pardon d'Ibrahim envers son père n'a eu lieu que à cause de la promesse qu'il lui a faite. Puis, lorsqu'il lui est apparu qu'il faisait partie des ennemis d'Allah, il s'est désavoué de lui. Il s'est désavoué de lui. Et quelle est cette promesse qu'a fait Ibrahim alayhi salam? Qala salamun sa'astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiya. Parce que son père lui a menacé, l'a menacé de l'expulser, etc. Il a dit, salam alayk, paix sur toi, je demanderai le pardon, ton pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, car il m'a comblé de bienfaits. Mais lorsque est apparu à Ibrahim que son père faisait partie effectivement des ennemis d'Allah et qu'il ne voulait pas adorer et croire en Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est alors désavoué de lui. وقال هود عليه السلام لقومه إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. Et Hud عليه السلام a dit à son peuple: et je prends Allah comme témoin et témoigne que je me désavoue de ce que vous lui associez en dehors de lui, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فكيدوني جميعا, rusez donc tous contre moi et ne me faites pas de cadeaux. ثُمَّ لَتُنْظِرُونَ. Regardez, les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'avaient peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala et rien ne les empêchait de dire la vérité et de la proclamer. وقال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Et Allah عز وجل a dit en parlant d'Ibrahim: et lorsqu'Ibrahim a dit à son père et à son peuple: je me désavoue de tout ce que vous adorez sauf celui qui m'a créé, car c'est lui qui m'a guidé. وقال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يا الله عز وجل دي إلي سخت dans Ibrahim un bon exemple, dans Ibrahim et ceux qui étaient avec lui un bon exemple. Lorsqu'ils ont dit à leur peuple: nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, kafarna bikum, nous mécroyons en vous, et il y a entre nous et vous l'animosité et la haine pour toujours, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. وقال الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله عز وجل dit dans sourate al-Kafirun: dit ô vous les non-musulmans, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. Wala ana abidu ma abattum, et je n'adore pas ce que vous adorez. Wala antum abiduna ma abud, et vous n'adorez pas ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi la mienne. Donc, al-bara'atu min ash-shirk wa ahli, le fait de se désavouer du polythéisme et de ses partisans, c'est une chose que malheureusement les musulmans ne donnent pas d'importance. Or, c'est une chose primordiale. Lorsque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque tu connais la gravité du polythéisme, du fait d'adorer autre qu'Allah, eh bien, normalement, ton amour du tawhid doit avoir en toi, ou doit créer en toi, la haine du shirk et de tous ceux et de tous ses partisans. Les non-musulmans, est-ce qu'ils aiment les musulmans? Est-ce qu'ils le cachent? Pourquoi est-ce que beaucoup de musulmans font les pantins? Et non, il ne faut pas dire qu'on ne les aime pas, ce sont nos frères dans l'humanité, etc. Eux, ils ne le cachent pas. Et Allah Azza wa Jalla a même dit « قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ » fi afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Et encore, ce qu'ils disent, ce n'est rien. Allah Azza wa Jalla dit: la haine est proclamée par leur bouche, mais ce qu'ils cachent dans leur cœur est bien plus grand. Les non-musulmans ont une haine des musulmans, ils n'aiment pas les musulmans et l'islam. Et ce qu'ils disent est minime par rapport à ce qu'ils pensent réellement. Et là, on le voit surtout à notre époque, qu'ils commencent à dire des choses de plus en plus graves et qu'ils commencent à moins se cacher, à faire moins de réserves, et cela depuis les hautes sphères de l'État jusqu'au citoyen français normal ou bêta. Et maintenant, surtout concernant le hijab, le jilbab et le niqab, maintenant même le français lambda, eh bien, proclame clairement qu'il n'est pas d'accord avec cela. Retourne chez toi, on n'est pas en Afghanistan, c'est quoi ça? Alors qu'avant il n'y avait pas ça. Avant, même s'ils n'étaient pas d'accord, ils le gardaient en eux. Et là non, là ils ne peuvent plus se retenir. Et nous les musulmans, plus le temps avance, et plus on éprouve de la sympathie, on éprouve de l'amour, on éprouve, wal'iyadu billah, envers les non-musulmans qui nous détestent. Non, tu dois détester les non-musulmans, tu dois détester al-kufr, la mécréance, tu dois détester le polythéisme, tu dois détester tout ce qui contredit la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ne pas l'aimer ne veut pas dire d'être injuste envers lui, ne veut pas dire de lui porter atteinte, ne veut pas dire de le frapper, ne veut pas dire de lui cracher dessus, de lui voler son argent. Non, tu ne l'aimes pas car il n'est pas musulman, car il adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas l'aimer. Mais cela ne veut pas dire que tu dois être injuste envers eux. Tu as le droit de commercer avec les non-musulmans. Lorsque tu commerces avec les non-musulmans, tu dois être juste, tu dois être sincère dans tes transactions commerciales, dans la marchandise que tu lui vends. Tu dois être clair sur tous les défauts qu'elle comporte, si elle en comporte. Et lorsque tu lui achètes de la marchandise et que vous vous êtes mis d'accord sur les modalités de paiement, tu dois scrupuleusement te fier à ces conditions que vous avez mutuellement fixées. Et un non-musulman ne doit pas dire d'un musulman c'est un voleur, il n'a pas de parole, etc. On ne peut pas lui faire confiance, non. Donc il faut bien différencier cela, car certains pensent que cela veut dire qu'il peut se permettre tout à leur égard. Cela est une compréhension fausse de l'islam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.